papier, des idées multicolores, mais noires en vérité. Il crie l'amour et la paix, un god à la main, hurlant au respect, du soir au matin. C'est l'heure de la terreur. Folie multicolore. C'est l'heure de la terreur.